franceinter.fr. Bonsoir. Aujourd'hui, dans Autant en emporte l'histoire, la marquise d'Urfé, la sublime folle de Casanova, une comédie dans le Paris du XVIIIe siècle. Regardez cet homme élégant qui, le nez au vent, et quel nez, prend congé de son cocher. Il n'est pas vraiment beau, mais son regard est vif et la bouche gourmande. La taille bien prise en son collant de soie, il réajuste sa perruque poudrée et, avec panache, toque à la porte d'un magnifique hôtel particulier du quartier Saint-Germain. La demeure d'une grande dame, un peu folle, disent les mauvaises langues, mais de la plus haute noblesse et surtout, richissime. Elle, c'est la marquise d'Urfé. Lui, c'est bien sûr Casanova, le célèbre séducteur vénitien, l'aventurier toujours en fuite. Que va donc-il faire chez la marquise d'Urfé? Quel mauvais coup s'apprête-t-il à commettre? Casanova, ex-séminariste, ce beau parleur libertin et savant peut, selon l'humeur et la nécessité, se transformer en militaire, en violoniste, espion, diplomate et assez souvent aussi en escroc. Ce soir, c'est sous un masque plus méconnu que nous allons le découvrir, celui du magicien. Un magicien au siècle des Lumières? Eh oui, au diable les scrupules, il faut savoir tout faire si l'on veut dîner à la table des princes. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Bonsoir Michel Delon. Bonsoir. Vous êtes professeur de littérature, spécialiste du XVIIIe siècle. Vous connaissez bien Casanova, vous lui avez consacré au moins 2 livres. En l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes, qui a des faux airs de marivaudage ou de commedia dell'arte, selon le point de vue. Cette histoire commence en 1757 à Paris, quand Casanova rencontre pour la première fois la marquise d'Urfé. Casanova est italien, enfin, je voudrais dire plutôt vénitien. Et que fait-il alors à Paris, Michel Delon? Vous avez dit, c'est un aventurier, un voyageur. Toujours en fuite. Toujours en déplacement et souvent en effet en fuite. Sa famille avait pensé le caser avec une carrière ecclésiastique, qui ne lui a pas convenu. Donc, toute sa vie, il va chercher un protecteur pour se faire entretenir et il joue sur tous les tableaux, si je peux dire. Alors, il a comme ça trouvé un riche aristocrate à Venise, Bragadin ou Bragadine, dont il était le médecin personnel, l'amuseur, et déjà celui qui initiait son protecteur aux sciences occultes. Mais la République indépendante de Venise surveillait tous les débordements et trouvait que ce Casanova exagérait en trichant au jeu, en séduisant beaucoup de jeunes sœurs, femmes. Notamment. Hein. Oui, et en abusant aussi de la bonne foi d'un sénateur de la République. Et il est comme ça arrêté, enfermé dans ce qu'on appelle les plombs, c'est-à-dire les prisons qui étaient au dernier étage du palais des Doges. Il va y rester 1 an. Facile à savoir quand, c'est 1755, puisque dans ses mémoires, il prétend ressentir les contre-coups du tremblement de terre de Lisbonne. Ce qui semble discutable, mais il est tellement effondré d'être en prison qu'il espère une espèce de catastrophe qui le libérerait. Des conditions de vie assez dures, détention. Glacé en hiver, caniculaire l'été, il consacre toute son énergie à préparer une fuite, ce qui s'était pour ainsi dire jamais vu de cette prison. Et il y parvient, c'est une histoire compliquée où il a fallu de la force physique, de l'intelligence, des façons complicités. Sans doute, oui. Et une fois qu'il s'est enfui des plombs, il ne peut plus résider à Venise. Il doit forcément, une fois de plus, fuir. Or, à sa belle époque vénitienne, il avait rencontré l'ambassadeur du roi de France auprès de la République, Bernice, l'abbé de Bernice, le futur cardinal. Grand libertin. Libertin lui-même. Et donc, il va à Paris en se disant qu'il a une adresse. Il a quelqu'un qui pourra le recevoir. Et sa fuite, le récit de sa fuite, c'est sa carte de visite. Hein, durant tout le voyage, il raconte son grand morceau de bravoure, comment il s'est enfui. Et donc, quand il arrive à Paris, de quoi a-t-il besoin? Comme d'habitude, un protecteur ou une protectrice, quelqu'un qui va lui donner les moyens, non pas de survivre, mais les moyens de vivre d'une manière luxueuse, car le modèle, c'est celui de l'aristocratie qui dépense de l'argent, qui vit dans le plaisir, qui est un peu aussi la marque du siècle, du XVIIIe siècle. Alors, ce XVIIIe siècle, c'est aussi l'époque des philosophes, des Lumières. Est-ce qu'ils sont bien vus à ce moment-là par le pouvoir royal? C'est l'époque de l'encyclopédie? C'est l'époque où Voltaire écrit Candide? Oui. Alors, il ne faut pas avoir de vision trop simpliste. Alors, le pouvoir, c'est une monarchie absolue. Louis XV... Louis XV, le bien-aimé, soi-disant. Voilà. Donc, quand il était jeune, il était le bien-aimé. Puis, au fur et à mesure qu'il a vieilli, les choses ont été moins bien. Le catholicisme est religion d'État. Il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État. Si l'on n'est pas catholique, on n'a pas d'existence légale. Ce qui est le cas des protestants. Et en même temps, c'est une époque de développement économique, d'idées nouvelles qui parfois arrivent d'Angleterre. Et c'est comme ça que l'on publie une espèce de somme de toute la connaissance de l'époque, qui est l'encyclopédie. Et cette encyclopédie est à la fois soutenue par une partie du pouvoir. Malesherbes, qui est le directeur de la censure, est tout à fait favorable à l'encyclopédie. La maîtresse du roi, la marquise de Pompadour, se fait peindre avec l'encyclopédie. Et par ailleurs, vous avez tout un clan ou une partie de la cour opposée avec l'Église à cette philosophie nouvelle. Le XVIIIe siècle, donc le fameux siècle des Lumières et de la raison, est aussi, on le sait moins, un siècle où la magie et l'occultisme étaient très à la mode. On va le découvrir dans cette page surprenante de la vie de Casanova. Michel Delon, nous nous retrouvons, si vous voulez bien, dans une trentaine de minutes, le temps d'écouter la marquise d'Urfé, la sublime folle de Casanova, un texte de Corinne Clomp, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire, à la réalisation Cédric Aussire. Je vous parle depuis un monde qui n'existe pas. Enfin, qui soi-disant n'existe pas. Le monde où les esprits vont vivre lorsque le corps a renoncé. Ça vous fait sourire. Dans ce cas, d'où vient que vous m'entendez? Méditez cela. En ce moment, puisque maintenant j'ai beaucoup de temps, je relis les mémoires de Giacomo Casanova, alias Jacques Casanova, chevalier de Saint-Gall. L'histoire de sa vie, le roman de sa vie, oui. Ah, quel conteur! Les copieux chapitres où il parle de moi ne me flattent guère. Ah, tant pis. Par choix, je ne conserve qu'une facette de mon passé, sa magie. Un terme à faire frémir, si j'en crois son dictionnaire philosophique, une autre étoile de mon siècle, Voltaire. M comme magie. Qu'est-ce que la magie? Le secret de faire ce que ne peut faire la nature. C'est la chose impossible. Le mot vient des mages de Chaldée, originaires de Babylone. Ils recherchaient la cause de la pluie et du beau temps. Et bientôt, ils passèrent pour faire le beau temps et la pluie. Nos missionnaires ont été tout étonnés de trouver ces extravagances au bout du monde. Mes amis, que ne restiez-vous dans votre patrie? Vous n'y auriez pas trouvé plus de diables, mais autant de sottises. Oh, quel rabat-joie ce Voltaire! Magie, j'insiste! Comment définir autrement l'apparition de Casanova dans ma vie? Cet homme a marqué mon destin. Peu importe ses motivations, il a cru à mon rêve. Il a tout essayé pour que je puisse un jour me réincarner. La première rencontre entre le célèbre Vénitien et Jeanne Camus de Poincaré, devenue par son mariage la marquise d'Urfé, a lieu à Paris au cours de l'été 1757, sous le règne de Louis XV, dans l'hôtel particulier qu'elle a hérité de son défunt mari. La marquise a 52 ans. Au dire de Casanova, de 20 ans son cadet, elle est belle quoique vieille. elle dispose d'une fortune confortable qui lui laisse le loisir d'assouvir sa passion pour l'ésotérisme. Le XVIIIe siècle, âge d'or des Lumières, est aussi celui des Illuminés. La science passionne, l'occultisme fascine. Si les uns, éclairés par Voltaire, prônent le savoir et la raison contre l'obscurantisme, les autres vénèrent les charlatans et s'adonnent à l'astrologie. Casanova, lui, navigue entre ces deux camps au gré des opportunités. Mon neveu ne tarit pas d'éloges à votre sujet. À croire que vous l'avez envoûté. Je crains, madame, que le comte de la Tour d'Auvergne n'exagère mon talent. Je n'ai fait que soulager son mal. Casanova, vous jouez au modeste. Vous m'avez guéri. Un magicien. Prenez garde à votre vocabulaire. Vous connaissez Paris, bientôt on me traitera de sorcier. Vous avez fait disparaître ma sciatique, oui ou non? Oui. Par quel sortilège? J'ai dessiné sur la cuisse de votre neveu au pinceau... D'un seul trait. Exact. Une étoile à cinq pointes. Le fameux pentacle de Salomon. Vous le connaissez? Je vous ai prévenu, ici on prend la magie au sérieux. Quant à moi, ma tante, au début je n'y ai pas cru. Pire, j'ai ri. Mécréant. Mais face au miracle... c'est un miracle. Eh bien, mon rire s'est éteint. Pourvu que notre soupir ravive votre joie, si nous passions dans la salle à manger. Ma tante, merci pour ce festin. Permettez-moi de prendre congé, j'ai promis de rendre visite à un ami. Bonsoir, Jacques. Bonsoir. Monsieur Casanova, maintenant que nous voilà seuls, j'aimerais partager un secret. Madame, je m'en voudrais d'abuser de votre hospitalité. Oh, si je n'ai déjà fatigué. Suivez-moi. Si Casanova se laisse entraîner par Madame Durfay, c'est d'abord pour satisfaire son goût de l'aventure et sa curiosité. À ce moment de sa vie, il n'a guère besoin de ses largesses. Il est riche, célèbre et roule en carrosse. Il vit en France depuis son évasion rocambolesque à l'automne 1756 de la célèbre prison des Plombs à Venise. Il y avait été incarcéré pour des motifs allant du libertinage à l'appartenance maçonnique en passant par l'occultisme. Dès son arrivée à Paris, il s'était lié avec d'influents financiers et introduit dans les cercles ministériels. Il monte avec succès le projet de loterie royale de l'école militaire, dont il s'approprie la paternité et les bénéfices. Tel un caméléon, il sait se fondre dans tous les milieux et prendre la couleur de ceux auxquels il veut plaire. Bienvenue dans mon laboratoire. Incroyable. Me voici dans l'antre d'une alchimiste. Qu'y a-t-il dans ce fourneau? Fourneau? Oh, quel vilain mot! Oh non, je préfère Athanor. Depuis 15 ans, j'y prépare ma poudre de projection. Vous voulez dire la poudre capable de transformer les métaux? En or, parfaitement. Or, comme Athanor. Elle sera prête d'ici 4 ou 5 ans. Approchez. Mm. Vous voyez, le charbon descend par ce tuyau pour alimenter le feu et le garder à température constante. Et la cendre s'échappe par cet autre tuyau qui sert de ventilateur. Vous êtes une femme étonnante. Vous connaissez Paracels? Tout est poison, rien n'est poison. C'est la dose qui fait le poison. Paracels, le célèbre médecin suisse et sa non moins célèbre citation. Médecin, astrologue et alchimiste. Mmh. Ah, c'est mon maître, hein, mon dieu. Et il n'est pas mort d'une maladie du foie comme on le prétend, hein, mais de l'ingestion d'une trop forte dose de médecine universelle. Quelle ironie, le saviez-vous? Je sais, madame, que vous avez beaucoup à m'apprendre. Vous aussi, mon cher. Je l'espère. Connaissez-vous la théorie des heures planétaires? Mais je ne la crois guère utile. Ah, sans elle pourtant, point de magie. J'ai dessiné le pentacle sur la cuisse de votre neveu à l'heure de Vénus. Si je n'avais pas respecté l'ordre des planètes, le comte se tordrait encore de douleur. Qui vous a enseigné cela? Ma force secrète, mon génie. Il me parle et me soutient, comme le vôtre. Vous pensez que moi aussi j'ai un génie? Évidemment. J'ai comme génie. Je n'ai jamais vu de génie. Aucun homme de ma connaissance n'en a vu. Je ne crois donc pas une chose dont il n'y a pas la moindre preuve. Cette chose n'est pas impossible. mais la possibilité n'est pas une preuve de la réalité. Il est possible qu'il y ait des satyres, avec des petites queues retroussées et des pieds de chèvre. Cependant, j'attendrai que j'en ai vu plusieurs pour y croire. Voltaire a sans doute raison. Mais une chose est sûre, Casanova a du génie. Pour séduire, mystifier et escroquer. Fils aîné d'un couple d'acteurs, il est initié à la magie par sa grand-mère maternelle, la seule femme à l'avoir influencé. À 8 ans, elle l'emmène voir une sorcière de Murano qui lui guérit ses saignements de nez. Impressionné, l'enfant apprend à lire et dévore des ouvrages sur la cabale, cet art divinatoire qui consiste à dévoiler les secrets de la nature grâce à des combinaisons de chiffres et de lettres. Au fil des ans, l'aventurier se perfectionne dans l'art de rendre des oracles. Tiraillé entre un fond de superstition et la raison, parfois dupe de ses fumisteries, il incarne les contradictions de son siècle. Il profite de la mode de l'occultisme et dîne chaque jour chez la marquise d'Urfé, savourant le pouvoir qu'il exerce sur son esprit. Dans ses mémoires, avec sa modestie légendaire, Jacques prétend être devenu l'arbitre de mon âme. Jolie formule. Un brin exagéré, imprégné d'une satisfaction très virile. Je ne l'avais pas attendu pour vivre, encore moins pour m'épanouir, Dieu merci. Même si, je l'avoue, il m'a fait d'emblée forte impression. Un redoutable séducteur. Mais pas seulement. Un homme capable de dialoguer avec l'au-delà, détenteur de la pierre philosophale. Et d'une drôlerie. Dans mon cœur et dans ma tête, il a vite détrôné ce cher Paracelse. Je le croyais capable de tout. Sur ce point, je voyais clair. Mon ami, cette nuit, mon génie m'a fait une révélation. Laissez-moi deviner. Je suis l'Italien le plus chanceux de France, qui flâne chaque jour au Palais Royal, au bras d'une femme sublime. Sublime et comblée. Grâce à vous, je vais enfin pouvoir converser avec les esprits. Il nous faut juste régler un détail. Lequel ? Mon génie est formel. Les esprits préfèrent communiquer avec les hommes. C'est idiot, mais c'est ainsi. Ils jugent la nature des femmes imparfaite. Cela dépend des femmes. Certes. Voulez-vous m'aider ? Avec joie ? À quoi ? Enfin, à renaître dans un corps d'homme. Madame, une telle opération est impossible. Mais pas du tout. Elle porte un nom, l'hypostase. Vous seul pouvez l'amener à bien. Vous allez procréer. Mais... Parfaitement. Procréer un garçon avec une femme que vous jugerez digne de cet accouplement. Après la naissance de l'enfant, vous ferez passer mon âme dans son jeune corps et le tour sera joué. Le tour ? Mais il ne s'agit point de magie, mais de... Oh, Jacques, je donnerai tout pour devenir un homme. Êtes-vous maître de cette opération ? J'en suis maître, mais je ne peux m'y résoudre. Mais pourquoi ? Je serai contraint de vous faire mourir. Oh, mais mon cher, je suis prête. Oh, du courage, que diable ! Vous n'allez pas reculer par pitié pour ma carcasse. J'ai froid. Rentrons. La nature de l'hypostase évoquée par Madame d'Urfé, puis par Casanova dans ses mémoires, demeure mystérieuse. Dans l'esprit pour le moins imaginatif de la marquise, il s'agit sans doute d'une savante opération d'alchimie destinée à transposer, après sa mort, l'essence de son âme dans une nouvelle enveloppe charnelle, concrète et vivante, pour ne faire plus qu'un seul et même individu. Jacques se chagrinait à l'idée de me voir mourir. Pas moi. J'avais fait mon temps, j'en avais bien profité. À l'époque, on me qualifiait de vieille dame richissime passant pour aimer les beaux garçons. Mensonge. D'abord, je n'étais pas vieille, mais d'une maturité rayonnante. Ensuite, je ne passais pas pour aimer les beaux garçons, je les aimais, point. Du reste, c'est la seule raison pour laquelle j'aurais voulu vivre encore. Jacques, surtout, allait me manquer. Oui, il n'en a guère parlé, mais il fut mon amant. Un amant joyeux, vigoureux, inventif. Je me souviens de la douceur de sa peau, de sa bouche sensuelle et de son... Le reste nous appartient. Afin de renaître, Madame Durfée est prête à sacrifier sa vie amoureuse, sa vie tout court, mais aussi sa fortune. Casanova le comprend vite, d'autant qu'il connaît ses premiers déboires financiers. Dès lors, son objectif est de gagner du temps et de soutirer à la marquise un maximum d'argent. Il repousse sans cesse l'opération de sa chère Sémiramis, le surnom qu'il donne à Madame Durfée, tout en vivant à ses crochets. S'il se sent parfois coupable, il est surtout flatté d'être pris pour un dieu par cette ex-maîtresse du régent qui reçoit les premières familles de France. La terreur du séducteur, que la marquise devienne sage. Aucun risque. Généreuse à l'excès, elle l'entretient via des lettres de crédit, elle lui pardonne ses duels et ses escapades à l'étranger. Durant l'été 1760, Casanova profite d'un séjour en Suisse pour rencontrer Voltaire dans son château de Ferney. Il voue au philosophe, alors âgé de 66 ans et auréolé du succès de Candide, une admiration sans faille. Monsieur de Voltaire, j'ignorais cette facette de votre talent. Vos rosiers sont splendides. Quel parfum! Il faut cultiver notre jardin. Ouais. J'ai lu cette maxime dans un conte remarquable, écrit par un ami philosophe et jardinier. Décidément, vous êtes à la hauteur de votre réputation. Vraiment? Quelle est-elle? Vous l'ignorez donc. Un seul mot vous résume et vous précède partout où vous allez. Séducteur. Est-ce donc un horrible mot? Il vous sied aussi, je pense, car vous écrivez pour séduire vos lecteurs. Quoi? Non! J'écris pour les convaincre, pour les éclairer. Je veux éradiquer la superstition. Même si vous y parveniez, par quoi la remplacer? La question est belle. Quand je délivre le genre humain d'une bête féroce qui le dévore, peut-on me demander ce que je mettrais à la place? Un peuple sans superstition serait philosophe. Et les philosophes refusent d'obéir. Le peuple n'est heureux qu'écrasé, foulé, tenu en chaîne. Casanova, ce que vous affirmez est abominable. Vous aussi, vous êtes peuple. Et vous, vous êtes dangereux. Prenez garde avec votre serpette. Vous allez me couper un doigt. Je vous couperai plutôt la langue. Mais arrêtez! Vous avez perdu la raison, Voltaire. Malgré son désaccord avec Voltaire, qui le conduira par la suite à critiquer les œuvres du philosophe, Casanova n'en démord pas. Combattre l'occultisme nuirait non seulement au peuple, mais surtout à lui-même, car il en tire un grand bénéfice. Au cours des 6 années de sa relation avec Madame Durfée, il lui subtilise ainsi la bagatelle d'1,5 million de francs. Après la Suisse, l'aventurier s'adonne à son occupation favorite, voyager. Il rentre en France 1 an plus tard, car la marquise exige de dîner avec lui le premier jour de l'an 1762, à Paris, rue du Bac, dans le logement princier qu'elle lui a aménagé. Il espère qu'elle a abandonné son extravagant projet de réincarnation. Grâce à vous, je serai réveillé chaque matin par ce chant divin. Cet appartement me fera perdre le goût des voyages. Oh, fort bien, nous avons à travailler. Avez-vous consulté l'oracle? Pour ma renaissance? Pardonnez-moi. Oui, bien sûr. Tout s'annonce au mieux. Elle aura lieu à la pleine lune de mars. Non, d'avril. Oh, si tard. Il faut d'abord rendre un culte au génie des 7 planètes, aux jours qui leur sont consacrés. Ah, votre fameuse théorie des heures planétaires. La seule capable de nous accorder les faveurs célestes. Ensuite, j'irai dans un lieu indiqué par mon génie, féconder une jeune vierge. Elle enfantera un fils. Après sa naissance, vous le garderez 7 jours dans votre lit à vos côtés. Puis... Oui. Vous boirez un poison de votre préparation et... vous mourrez en tenant votre bouche collée à celle de l'enfant. Le transfert de mon âme dans son corps va s'effectuer par un baiser. Cher Sémiramis, il est temps de reculer. Si vous... Jacques, vous plaisantez. Je brûle d'impatience de rencontrer la Vierge qui sera mon vase d'élection. En fait de Vierge, Casanova cherche une friponne à endoctriner. ce sera Marianne Corticelli, alias La Corticelli, une jeune danseuse de Bologne qui est aussi prostituée. Casanova prévient par lettre la marquise, il a trouvé sa vierge. Il la présente comme la comtesse de Lascaris, descendante d'une illustre famille byzantine et parente éloignée des Durfé. Ravie, Sémiramis leur donne rendez-vous dans son château-forteresse de Pontcarré, près de Melun. Après plusieurs cérémonies cabalistiques, la nuit de noces entre le séducteur et la fausse ingénue est fixée au 14e jour de la lune d'avril. Jacques, vous voilà enfin! Alors? Hélas, l'oracle est formel. Malgré tous mes efforts la nuit passée, la jeune comtesse de Lascaris n'a pas conçu d'enfant. Oh Dieu! Sémiramis. Sémiramis, mon ami, vous m'entendez? C'est affreux. Calmez-vous. Respirez ce flacon de sel. Jamais. Jamais je ne pourrai renaître homme. Rien n'est perdu. L'oracle affirme que nous pouvons recommencer l'opération hors du royaume de France dans la lune de mai. Ah oui? Vous ne me mentez pas pour me faire plaisir. Madame, l'oracle ne ment jamais. Haut comme oracle. Le désir, si vif et si inutile, de connaître l'avenir donna naissance aux oracles. L'imposture les accrédita. Et le fanatisme y mit le sceau. Car un moyen infaillible de faire des fanatiques, c'est de persuader avant que d'instruire. Le premier devin ou prophète fut un coquin qui rencontra un imbécile. La lune de mai approche, Sémiramis ne tient plus en place. Pour sa deuxième tentative de renaissance, elle choisit la ville d'Aix-la-Chapelle, où elle a ses entrées. En quelques jours, tout est prêt pour le voyage. Accompagnée de domestiques, Madame Durfé, Casanova, la Corticelli et sa mère prennent place à bord d'une berline et d'un cabriolet. À Aix-la-Chapelle, pour tromper son ennui, Casanova joue et perd beaucoup d'argent. Un malheur n'arrivant jamais seul, il a des soucis avec la Corticelli. Le jour de la pleine lune, alors que les deux complices doivent concevoir l'enfant tant attendu par la marquise, il apprend que la jeune Italienne se tord de douleur dans son lit. Quelle est cette invention? Tu as des convulsions? Non, mais j'en aurai jusqu'à ce que tu me rendes mon écrin. Avec les bijoux et les diamants, il y en a pour 60 000 francs. Quel écrin? Celui que la marquise m'a donné l'autre soir au bal et que tu m'as pris. Oh, ma pauvre Corticelli, c'est ta mère qui te monte contre moi? Si tu continues, je te renvoie à Bologne sans un sou. Tant pis pour toi, Giacomo. Basta. Je vais tout dire à la vieille folle. Folle. Voilà un autre adjectif qui revenait souvent à mon propos et à mes oreilles. Piètre artifice pour se débarrasser de ceux qui dérangent parce que différents. Ma folie supposée, je l'appelais raison. Question de point de vue. Folle, je l'ai aimée. Folle, je l'ai couvert d'or, de montres, d'habits brodés. Folle, je l'ai fait libérer de prison. Folle, je l'ai soutenue sans faillir, contre tous, y compris ses maîtresses. Furieuse contre Casanova qui lui a volé ses bijoux, la Corticelli dévoile la supercherie à la marquise. Celle-ci ne la croit pas et la prend pour une folle. L'aventurier l'a échappé belle, il renvoie la traîtresse en Italie. Que faire? Il n'a plus de fausse vierge sous la main et Sémiramis bout d'impatience. Dans l'espoir de la décourager, il lui annonce que c'est elle qui doit mettre au monde l'enfant qui la fera renaître. Au contraire, cette nouvelle galvanise Madame Durfé. Coincée, Casanova pilote à vue avec l'idée de différer au maximum l'opération. Pour éviter de coucher lui-même avec la marquise, il invente une nouvelle fable, oracle à l'appui. Sémiramis elle-même doit concevoir son enfant à Marseille, au printemps, avec le grand maître des Rose-Croix, un ordre maçonnique féru d'occultisme. Puis, Casanova emprunte 50 000 francs à son grand trésorier, Madame Durfé, et part rejoindre à Gênes un certain Passano, un mauvais peintre qui vit de la vente d'images obscènes. Moyennant une rétribution future, Casanova le convainc d'endosser le rôle du franc-maçon. En mars 1763, les deux hommes gagnent Marseille, où la marquise les attend, à l'hôtel des 13 Cantons. Mon ami, voici Kérylinthe, grand maître des Rose-Croix. Kérylinthe ! Oh, j'ai cru mourir à force d'espérer votre venue. Oh, madame. Point de madame, je suis Sémiramis. C'est donc vous qui allez me féconder. Bon ? Vous qui me rajeunirez en moi-même. Où ça ? Ma chère, notre voyage en felouque jusqu'à Marseille a été épuisant. Notre grand homme va aller dormir. Oh, Jacques, il serait convenable de le retenir à dîner. Oui, je veux bien, j'ai faim. Vous voyez ? Kérylinthe va se restaurer au calme, dans sa chambre, seule. Oui, d'accord. Tout seul, c'est mieux. Bonsoir, madame. Bonsoir, céramique. Oh, quel surhomme ! Oh, quelle figure imposante ! Mais pour un grand adepte, il me paraît distrait. Discret ? Les Rose-Croix sont ainsi. Parfait, car j'ai préparé mes offrandes. Voici 7 paquets pour les 7 planètes. Chacun contient 7 livres de métal et 7 pierres précieuses. Des diamants, des saphirs et le... je ne sais plus. Je les ferai porter à Kérylinthe, ce soir. Attendez. Pour la méthode, il faut s'en remettre à Paralis, mon génie. Je dois l'interroger pour savoir si ses présents sont dignes du grand maître. Confiez-les-moi. La marquise d'Urfé remet les joyaux à Casanova, qui les range à l'abri de son complice. Puis il consulte l'oracle et reçoit l'ordre opportun d'aller coucher 7 jours en pleine campagne pour y célébrer chaque nuit un culte à la lune. Il en profite pour honorer la belle Marcoline, une piquante italienne de 17 ans qu'il a ramenée de Gênes et qu'il qualifie de chef-d'œuvre. Si le séducteur réussit encore à faire patienter la marquise, il est contrarié dans ses plans par Passano, alias Kérylinthe. À force de batifoler avec les jolies Marseillaises, celui-ci a contracté un vilain mal. Furieux, Casanova le congédie sans lui verser un sou. Jacques, êtes-vous sûr ? Kérylinthe souffre d'une affection qui le rend indigne de vous. Oh, quelle horreur ! Oh, il devait me féconder dans 4 jours. Vite, rentrons à l'hôtel pour faire un culte d'expiation. Santa Mère Casseso. Santa Mère Casseco. Santa Mère Osaka. Que dit l'oracle ? C'est à moi désormais d'accomplir l'œuvre de chair avec Sémiramis. Vous ? Avec moi ? Oh, Jacques, c'est merveilleux. Santa Mère Osaka. Santa Mère Osaka. Je ne serai pas seul. Une ondine cadeau de la lune surgira des flots du Rhône pour participer à l'opération. Une ondine, moi ? Je sais pas nager. Mais tu sais fort bien donner le bain, coquine. Marcoline, cette sombre affaire me ronge. J'ai besoin de toi. Je ferai ce que tu voudras si tu me frottes le dos. Là. Oh, plus bas. Là ? Oh, oui, là. Oh. Oh, que c'est bon. Qu'attends-tu de moi ? Je dois bientôt prendre un bain très particulier avec la marquise. J'ai plus le choix, écoute-moi. Tu vas te déguiser et te présenter pour la servir pendant nos ablutions. Ensuite, tu vas la déshabiller. Oh, elle acceptera que je la touche ? Elle accepte tout ce que je décide pour elle, à son insu. Démon. Et après ? Tu te déshabilles et tu la frottes des pieds jusqu'à la ceinture. À mon tour, je me déshabille. Oh, belle nouvelle. Friponne. Je commence à embrasser la marquise pendant que tu me laisses voir les parties les plus éloquentes de ton joli corps. Grâce à tes formes divines et par de discrètes caresses, tu vas me stimuler. Comprends-tu ? Tu seras content de moi, mon cœur. Je l'espère. Car il peut m'arriver de me trouver hors d'état de consommer l'acte. La marquise est vieille. Quel âge a-t-elle ? 70 ans. Mais elle ne peut plus enfanter, c'est impossible. Impossible n'appartient pas à son vocabulaire. 70 ans? Pourquoi pas 100? Dire que Jacques maniait les chiffres de la cabale comme personne. Lui et moi, nous avions 20 ans d'écart. À l'époque, il en avait 38. Faites le calcul. Une femme, morte ou vive, n'avouera jamais ces choses-là. Quoi qu'il en soit, j'avais toutes mes capacités, dont celle de déchiffrer la lettre de son complice Passano, écrite en très mauvais français. Comme par hasard, Jacques a omis de mentionner cette lettre dans ses mémoires. Passano m'a tout dévoilé, me jurant, avec deux R, que Jacques trompait ma confiance. Son charabia n'avait qu'un but, m'égarer. Mais j'ai tenu bon, j'ai suivi mon cap. La jeunesse éternelle, l'immortalité. R comme résurrection. Il est utile que les hommes croient en un Dieu rémunérateur et vengeur. Cette idée encourage la probité et ne choque point le sens commun. Mais la résurrection révolte tous les gens qui pensent et encore plus ceux qui calculent. C'est une très mauvaise politique de vouloir gouverner les hommes par des fictions. Car tôt ou tard, les yeux s'ouvrent. N'en déplaise à Voltaire, les yeux de la marquise, eux, ne s'ouvrent pas. Sa renaissance est fixée au mardi 13 mai 1763. La veille, aidée par Casanova, elle jette à la mer la cassette avec les offrandes aux planètes après force incantation. Sémiramis est satisfaite et l'aventurier bien davantage. La cassette étant lestée de plomb. Celle avec les pierres précieuses reste cachée dans sa chambre. Il peaufine ensuite les ultimes préparatifs, fait revêtir à Marcolline sa tenue d'ondine, un ensemble de velours vert qui met ses formes en valeur. Pourtant, l'aventurier passe une nuit chaste auprès de sa belle. Il doit préserver ses ardeurs pour le grand jour. Le bain est prêt. Êtes-vous confiant dans vos calculs? Nous sommes encore dans l'heure de Mars. Celle du soleil n'a pas commencé. Patience. Rendez-vous compte. Bientôt, vous serez mon amant et mon père. Dites aux savants d'expliquer cette énigme. Mon Dieu, nous y sommes. Est-ce là l'ondine annoncée par l'oracle? Oh, quel est ce billet qu'elle me tend? Prenez-le, lisez. Je suis muette, mais non pas sourde. Je sors du Rhône pour vous purifier. L'heure de l'incarnation a commencé. Jacques, c'est elle. Oh, charmant génie, purifiez-moi. Je suis prête. Belle Ondine, prenez soin de Sémiramis et soyez le témoin céleste de notre union. Ah, voilà ce que j'appelle une union fructueuse. J'ai jamais vu autant de diamants et d'émeraudes. T'as entendu ce bruit? Giacomo, j'ai peur qu'elle nous surprenne. Aucun danger. Je lui ai ordonné... Enfin, l'oracle lui a ordonné de rester couché 107 heures pour contrer les influences des mauvais génies. Tu penses à tout, mon cœur. Je suis fier d'avoir pensé à toi. Heureusement que tu étais là. Sais-tu que j'ai dû simuler? Non. Les trois fois? Les deux dernières. Malgré ta présence envoûtante, j'étais épuisé. Oh, povero amore. Dire que 50 ans plus tôt, la marquise a dû être la première beauté de France. La fausse Ondine riait de moi. À la bonne heure. Moi, je riais de bonheur. J'étais convaincue que j'accoucherai bientôt d'un autre moi-même, version masculine. Aussi fou? Non, pas ce mot. Aussi curieux que cela puisse paraître, je vivais tous les symptômes de ma grossesse. Oui, songer aux hypothèses qu'auraient pu faire les érudits sur mes couches extraordinaires à mon âge, si j'avais... Bref, selon Voltaire, aucun anatomiste, aucun physicien n'a jamais pu connaître la manière dont les femmes conçoivent. J'étais d'accord avec lui, pour une fois. Oh, Jacques, vous me quittez déjà? Je dois me rendre en Angleterre pour affaires. Je m'inquiète de l'avenir de mon enfant. Lorsque je vais renaître en homme, dans son jeune corps, dans quelles mains allons-nous tomber? Comment cela? Je serai en lui, avec lui, mais je ne serai plus là en tant que personne pour le protéger. Nous risquons d'être déclarés bâtards, de nous trouver sans ressources. Par chance, mon génie m'a soufflé la solution. Oui. Mon ami, voulez-vous m'épouser? Casanova n'épouse pas Sémiramis. Il la rassure avec un nouvel oracle. Il lui jure qu'elle sera son enfant, qu'il prendra soin d'elle après sa renaissance. Avant de partir, il a un pressentiment, comme s'il la quittait pour toujours. À Londres, en août 1763, il dit recevoir une lettre l'informant de la mort de la marquise suite à l'ingestion d'une trop forte dose de panacée. Son testament fait de lui le tuteur du fils dont elle se déclare enceinte. Faux! Je vais mourir 12 ans plus tard, le 13 novembre 1775. Mon testament était des plus banals et Jacques n'y figurait pas. Et pour cause, je l'avais suffisamment gâté de mon vivant. Curieux comme il a manqué de précision sur les faits marquants de mon existence. Un noir génie grignotait-il son esprit? Trêve de plaisanterie. J'ai été flattée qu'il m'offre la même fin que Paracelse. J'y ai vu un hommage. Non, je ne parlerai pas de notre rupture. Il a refusé de la mentionner au point d'inventer ses chimères. Pourtant, je crois avoir compté pour lui, et pas que sur le plan financier. Moi, je n'ai aucun regret. Là où je suis désormais, là où nous sommes, nous savons qui avait raison et s'il est possible de communiquer avec les esprits. N'est-ce pas, Jacques? N'est-ce pas, Voltaire, que j'entends marmonner en boucle depuis une éternité? P comme preuve? P comme proverbe. Ma chère, où que l'on soit, il faut toujours avoir devant les yeux ce proverbe espagnol. De las cosas más seguras, la más segura es dudar. Des choses les plus sûres, la plus sûre est le doute. La marquise d'Urfé, la sublime folle de Casanova, un texte de Corinne Klomp, avec Nathalie Cerda, la marquise d'Urfé, Nicolas Gonzalez, Casanova, Gabriel Ledoz, Voltaire, Pierre-Alain Leleu, le comte de la Tour d'Auvergne, Camille Clarisse, la Corticelli, Corrado Invernizzi, Giacomo Passano, Marion Malenfant, Marcoline, bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage, Manu Couturier et Ludovic Auger, assistant à la réalisation, Félix Levaché, réalisation, Cédric Ossir. Dans quelques minutes, la suite de l'interview de Michel Delon sur Casanova et la marquise d'Urfé. Loin de moi tu roucoules, loin de toi je m'écroule, j'ai de la pluie qui me colle et des vagues qui me coulent. Avec le temps rien ne s'en va, avec le vent rien ne s'envole, avec le temps je suis resté sur ton rocher. Loin de moi tu décores, loin de toi je déconne. Y a la houle qui s'affole et des algues qui me foulent. Avec le temps rien ne s'en va, avec le vent rien ne s'envole. Avec le temps je suis resté sur ton rocher, bien accroché sur ton rocher. Baz-Baz, Rocoul sur France Inter, Autant en emporte l'histoire, une émission réalisée par Michel Billoux, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Gaël Braouzec. En Michel Delon, vous venez d'écouter l'histoire incroyable de la marquise d'Urfé et de Casanova. Un personnage étonnant, cette femme, la marquise d'Urfé, une femme assez libre, puisqu'elle est veuve, puisqu'elle est riche. Le veuvage, c'est un des rares moyens d'émancipation pour les femmes sous l'Ancien Régime. Et elle peut exercer sa passion, qui est l'occultisme. Ouais. Ce que j'aime bien dans ce texte, c'est qu'il n'y a pas un escroc et une victime. Oui. Ils s'entraînent l'un et l'autre. Elle s'amuse. Mais oui, c'est ça. À la fois, elle croit profondément à ces histoires kabbalistiques, mais c'est sa façon à elle de participer à la... Elle est joyeuse, elle vit. Oui, voilà. 18e siècle, c'est un siècle où on rit aussi, beaucoup. Oui, il y a une certaine libération du poids de la religion, qui était très sensible à la fin du règne de Louis XIV. Et elle a été jeune à l'époque de la régence, elle a été la maîtresse du régent. Et c'est un moment de movida, on pourrait dire, d'éclatement de la joie de vivre, qui est à la fois, en même temps, l'époque des expériences économiques. C'est le début d'un certain type de spéculation, ce qu'on a appelé le système LAS. Et tout le siècle est emporté, c'est l'époque de la mode rocaille, la mode rococo. Les couleurs vivent, les maisons se transforment, les modes de vie se transforment. Et la marquise d'Urfé est assez caractéristique de ce style de l'époque. Et Casanova est étonnant, si on le découvre dans ce rôle de magicien. À votre avis, est-ce qu'il y croit un peu ou est-ce qu'on est dans l'escroquerie totale? Mais alors justement, quand on lit l'histoire de ma vie, ses mémoires, eh bien, on a l'impression que parfois il y croit. Allusion a été faite que tout enfant, il était malingre, maladif, et sa grand-mère l'a emmené voir une sorcière à côté de Venise, à Murano. Et il présente ce souvenir d'enfant, sans aucun jugement sur la réalité ou non de toutes les manipulations au centre desquelles il a été. Il fait comme si il avait les saignements de nez avant. Une vieille sorcière fait toute une série de choses, des fumigations, des incantations, etc. Une belle dame apparaît et à la fin, il n'est plus malade. Il ne nous dit pas c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est efficace. Toute l'histoire de ma vie tourne autour de cette question de la croyance. L'histoire de sa vie, c'est le livre qu'il a écrit, donc à la fin de sa vie, ses mémoires qu'il a écrites quand il était très vieux. Voilà, en Bohême, loin de Venise et de Paris, hélas pour lui. Et il a d'abord fait des études de théologie, donc dans le monde de la foi. Ensuite, c'est un homme de théâtre, il est le fils de comédien. Oui, il sait jouer la comédie. Voilà. Et ça peut servir. Pour lui, la société, c'est un théâtre. Il doit toujours jouer son rôle. Et c'est comme cela qu'il doit, alors qu'il s'appelle Casanova, mais il faut qu'il devienne le chevalier de Saint-Gall pour avoir un statut social. C'est l'époque aussi où Goldoni fait connaître la Commedia dell'arte. Oui. Goldoni va venir de Venise à Paris et s'installer à Paris. Il y avait deux grands théâtres officiels qui avaient le privilège même du théâtre à Paris au 18e. Il y avait la Comédie française et la Comédie italienne. Vous disiez à l'instant, Michel Delon, que la société française, donc au 18e siècle, comme un théâtre dans lequel il faut trouver sa place. Casanova, donc on l'a vu, c'est un escroc, un arriviste, un de haute volée, mais Il a quand même des circonstances atténuantes, ce 18e siècle, qui est quand même une société extrêmement bloquée, où si on n'est pas noble, on n'est rien. Alors, si on est roturier, qu'on est pauvre et qu'on a envie d'être dans la haute société, si on a des goûts de luxe, comme Casanova en a, il n'y a pas 36 moyens. Il faut savoir jouer des coudes, faire preuve d'imagination, et trouver un protecteur. C'est ça, le grand enjeu. Quand on dit c'est un séducteur, oui, c'est un séducteur au sens le plus large du terme. Hein, alors il va séduire des femmes au sens le plus sensuel et sexuel du terme, mais il faut aussi qu'il séduise des puissants. Et dans ses mémoires, il raconte comment, à la cour de Louis XV, il approche la marquise de Pompadour, il connaît donc l'abbé de Bernis, et par lui, Choiseul. Il va essayer d'avoir une fonction dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le ministère des Finances. Et c'est comme ça qu'il est l'un des personnages, il n'est pas l'inventeur de la loterie nationale, de la loterie royale de l'époque, mais il participe et il récupère pendant quelque temps de gros bénéfices. Et ensuite, il va chercher à avoir une place à Varsovie, près du roi de Pologne, à Saint-Pétersbourg, à Berlin, près de Frédéric II, ou auprès d'un grand aristocrate, ou d'une grande aristocrate. Et alors, la marquise d'Urfé avait l'avantage d'être une femme qu'il pouvait séduire sexuellement, et qu'elle était très riche, comme un peu toutes choses égales par ailleurs. Elle avait un côté Madame Bettencourt, elle voulait aimer qui elle aimait et donner son argent à qui elle l'entendait. D'ailleurs, la famille de la marquise d'Urfé n'était pas très contente de la voir comme ça, dilapider son argent. Exactement comme la personne que je nommais aujourd'hui. Hein, et Casanova sait qu'il ne fallait pas aller trop loin. Alors, quand on pense au XVIIIe siècle, Michel Delon, on pense siècle des Lumières, la raison, mais c'est donc aussi cette époque, c'est une époque de pour les magiciens assez faste. C'est pas contradictoire ? Oui et non. C'est une époque où les choses changent. Ce qui semblait impossible le devient. Hein, par exemple, 20 ans plus tard, l'homme va échapper à la pesanteur, sont les montgolfières. Et quand le public parisien voit s'élever des machines volantes, à partir de là, tout est possible. Donc, le mélange de cabale juive, d'alchimie, d'astrologie, de mode égyptienne avec lesquelles Casanova jongle, correspond au goût de l'époque pour le nouveau. Et l'encyclopédie, donc, cette somme du savoir de l'époque, est dirigée par d'Alembert, grand savant, et par Diderot, rationnel, si on veut, mais qui en même temps est passionné par l'astrologie lui aussi. Et dans certains articles de l'encyclopédie, il marque une sympathie pour les inventeurs d'avenir. Oui, Voltaire, on l'a entendu dans la fiction, il est plus critique, il n'aime pas beaucoup les mages. Absolument. Merci beaucoup Michel Delon, on peut lire de vous sur le sujet. Casanova, histoire de sa vie, publié chez Gallimard Découverte, et vous venez également de publier l'album Casanova dans la Pléiade. Autant en emporte l'histoire est terminée pour ce soir. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, c'est dans le Londres du 19e siècle que nous partirons à la rencontre de Joseph Merrick, l'homme qui inspira à David Lynch le personnage de son film Elephant Man. Mais c'est l'histoire vraie que je raconterai de cet homme né difforme et qui, avec d'autres monstres, entre guillemets, fut exhibé dans des foires avant d'être recueilli par un médecin londonien. Joseph Merrick, une vie d'éléphant, c'est dimanche prochain. Mais dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Noël Bréham pour son émission État d'esprit. Très bonne soirée à tous.